Désolément, un triste soir, j'aurais pas dû le laisser dehors. J'ai donné des coups, mais malgré tout, il m'a couché sous son testament. Il m'a légué ses étriers, et ses quatre fers, moi j'ai pleuré. Adieu, fidèle compagnon, ami animal, que la vie sera cruelle sans toi, dans ce monde d'humains durs et insensibles. Il m'a légué ses étriers, et ses quatre fers, moi j'ai pleuré. Mon cheval est parti au paradis, j'ai même pas écrit que je l'aimais en secret, mais il m'a couché sous son testament. Il m'a légué ses étriers, et ses quatre fers, moi j'ai pleuré.